إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحبتي في الله أذكر نفسي وأذكركم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان في هذا المسجد في بيت من بيوت الله ونحمد الله ونشكره الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا ويسر لنا هذا الاجتماع نتذاكر في هذا اليوم بكلام عظيم ألا وهو حديث عظيم من كلام النبي من كلام حبيبنا وقدوتنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم روي عنه كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره حديثا عظيما أنه ذكر إسناد الحديث ثم ذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلاك أمتي في الكتاب واللبن هلاك أمتي في الكتاب واللبن قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله فيتأولونه على غير ما أنزل الله ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون رواه الإمام أحمد كما قلنا آنفا قال العلماء في شرح هذا الحديث ذكروا أن هذا الحديث عظيما وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسبب هلاك الأمة وسبب ضياع الأمة فهذه الأمة هلاكها بأن تتخذ القرآن على طريقة أهل الأهواء في فهم القرآن والسنة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الهلاك في أناس يقرؤون القرآن وقد يقول القائل أنا حفظت كثيرا من القرآن ومن الكتاب وأنا ممن يقرأ القرآن إلا أن كثيرا منهم تسبب بهلاك الأمة وهذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف ذلك وكيف ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن وكيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلمون، تأملوا، يتعلمون ماذا؟ يتعلمون القرآن. فإذا معنى الحديث هلك أمتي بالكتاب أو في الكتاب، في الكتاب بمعنى القرآن، يعني أي يتعلمونه فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعة ويبدون الحديث. ذكر ابن عبد البر هذا الإمام من علماء الأمة في ذكر هذا الحديث بابا، قال باب في من تأول القرآن وتدبره على جهالة بالسنة، أو قال وهو جاهل بالسنة. إذن من سلك في فهم القرآن على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سبب لضياع الأمة ولهلاك الأمة. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام سبيل النجاة، سبيل النجاة، ومن خالف هذا النهج كان هو المتسبب في هلاك الأمة. هلاك أمتي بأناس يقرؤون القرآن، نعم، ولكن يسعون في تفسيره على أهوائهم وعلى آرائهم، لا عبودية ولا خضوعا لأمر الله جل وعلا، للاعتصام بتفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنصوص القرآن ولبيان معاني القرآن. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول لتبين للناس ما نزل، ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم وبين معاني القرآن ومعاني الكتاب، ثم قال إذن بيان معاني القرآن يجب أن تستمد من فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن من استقى هذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسبيل السلامة وسبيل النجاة للأمة بأن يعتصموا بالقرآن والسنة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هلاك أمتي في الكتاب واللبن، قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، فيحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعة ويبدون، نعم، يتركون الصلوات ويذهبون إلى البادية، معنى ويبدون بمعنى أنهم يذهبون إلى البادية، يذهبون إلى البادية ويتركون الصلوات والجماعات والجمع. يقول من بدا، قيل من بدا جفا، فالبعد عن الجماعة وعن جماعة المسلمين والأخذ بالسنة والاعتصام معهم على الحق سبيل الجفا وسبيل البعد عن الجماعة وعن الحق. ولذلك قال النبي أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو سبيل الهلاك وسبيل السقوط في كيد الشيطان، أعاذني الله وإياكم. فيجب على المؤمن أن يسلم من هذه الضلالات. ولهذا روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد، كما يفرون من الأسد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ينبغي أن تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة ولا يتبع الرأي، ولا يتبع الرأي والأهواء. وهكذا ذكر عن علمائنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أحبتي في الله، chaque croyant, chaque croyante. J'ai voulu en ce jour béni, en ce jour immense, c'est un jour de fête pour tous les croyants et les croyantes, le jour de vendredi, dans cet endroit béni, في بيت من بيوت الله, dans une demeure parmi les demeures d'Allah Azza wa Jal, qu'on se remémore une parole immense de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quel beau jour pour nous tous, ça fait partie des plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal, d'être réunis en ce jour, en toute sécurité, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une demeure parmi les demeures d'Allah, et d'évoquer ne serait-ce un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de se quitter avec l'écoute et l'apprentissage et la mémorisation d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Conformément à un récit, le fait d'entendre une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'essayer de la mémoriser, ensuite de la transmettre comme on l'a entendu, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a invoqué justement pour toute personne qui s'efforce d'écouter et d'entendre une parole de lui et de la transmettre comme il l'a entendu, c'est-à-dire avec exactitude. قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. Prophète صلى الله عليه وسلم dit, une traduction relative et littérale de la parole de notre prophète, le prophète a invoqué, il dit qu'Allah accorde la splendeur, c'est-à-dire que celui-ci soit resplendissant. Et le prophète, il fait un dua. Naddarallahum ra'an. Qu'Allah accorde la splendeur à toute personne qui entend une parole de moi, l'apprend et la transmet comme il l'a entendue. Et peut-être qu'une personne à qui il fut transmis aura mieux compris que le transmetteur lui-même. Donc parfois, celui qui va transmettre n'est pas forcément plus savant que celui qui va recevoir l'information. Et donc, c'est l'invocation du messager d'Allah, l'invocation de l'élu, celui dont Allah Azza wa Jal a choisi pour transmettre sa révélation, le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie, wa khatam an-nabiyyin. C'est le dernier des prophètes et des messagers. Il a invoqué pour toute personne. Donc si tu apprends des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu les transmets avec exactitude, comme tu les as entendus, et tu vérifies l'exactitude des termes et l'authenticité de ces récits, alors tu fais partie de ceux dont le prophète Sansem a invoqué en ta faveur. Et qu'Allah t'accorde la resplendissance dans le sens la splendeur. Et tu seras resplendissant. Et les savants dans l'explication de ce récit nous disent, aussi bien dans cette vie d'ici-bas, cette splendeur va apparaître, aussi bien dans l'au-delà. El Mouhim, l'important, je vous transmets, par la grâce d'Allah, en ce jour béni, un récit, un hadith du prophète Sansem, c'est un hadith court. Et on va se quitter sur, Inch'Allah, l'apprentissage de ce récit, bi'idhnillahi ta'ala, sans trop tarder. Dans un récit qui nous est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. L'imam Ahmed, après avoir évoqué la chaîne de transmission du récit, qui remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les grands spécialistes en la matière, dans la tradition prophétique, disent que la chaîne est bonne. Disent que la chaîne est bonne, de transmission, que le hadith est bon. Il est rapporté que le prophète sallam dit « L'égarement de ma communauté se trouvera dans le livre et le laban, le lait fermenté. » L'égarement de ma communauté se trouve « al-halak », le fait qu'ils vont périr et s'égarer « fil kitabi wal-laban » dans le livre, traduction littérale, et Al-Laban. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua son propos en disant effectivement, les savants nous expliquent lorsque le prophète a dit Halak ummati fil kitab, c'est le Coran. Le Coran. Wallaban. Alors le prophète expliqua cela. Et il dit effectivement Yata'allamun al-Qur'an wa yata'awwalunahu ala ghayri ma anzal Allah. Des gens apprendront le Coran et l'interpréteront le Coran selon autre que le voulu du Créateur. Ils apporteront une autre interprétation que le voulu du Créateur. Et là, les savants nous expliquent que celui qui apprend le Coran, qui lit le Coran, mais ensuite qui va interpréter le Coran d'une autre manière, selon un autre voulu que celui de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, et selon une interprétation contraire aux interprétations et aux enseignements de notre noble bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la cause de l'égarement de la Ummah, de la communauté. De la communauté. Regardez un grand savant, l'imam Ibn Abd al-Barr, très célèbre. Dans un de ses livres, il a évoqué un chapitre, et il va mentionner ce récit. Et dans le chapitre, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit « Babu fi man ta'awwala al-Qur'ana wa tadabbarahu ala jahalatin bis-sunnah aw wa huwa jahilun bis-sunnah » Chapitre concernant celui qui interprète le Coran alors qu'il est ignorant de la sunnah, de la tradition prophétique. C'est pour cela, dans une célèbre parole qui nous est rapportée de l'imam, ou plutôt du grand compagnon Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, Omar avait prédit cela. Un jour, en s'adressant à ses compagnons, il dit « Ya'ti unasun qawmun yujadilunakum bishubuhat al-Qur'an fajadiluhum bis-sunan fa inna ashab bis-sunan a'lam bikitabillah » Omar disait à son époque, il est rapporté de lui qu'il dit « Viendra plus tard un peuple qui vont débattre avec vous, avec les ambiguïtés, qui vont vous rapporter et débattre à travers les ambiguïtés, les choses parfois confuses qu'on peut ne pas comprendre dans le Coran. Pourquoi ? Parce que vous savez tous, dans le Coran, il y a deux sortes de versets et c'est Allah Azzawajal qui nous enseigne cela. Il y a des versets qu'on appelle « Mutashabihat » et il y a des versets qui sont « Al-Muhkamat » Ils sont muhkam. Wa hunna umul kitab. Et ça, c'est la mère du livre. Il y a des versets qui sont clairs. Allah nous dit. Et d'autres versets sont pas clairs pour tout le monde. Ça demande une explication. Mais ils sont pas clairs pour tout le monde. Et ces versets-là, qui peuvent porter à confusion pour une partie des gens, à part pour rasikhuna fil ilm, Allah dit, sauf pour ceux qui sont ancrés dans le savoir, al-ulama, ahlul ilm, ce que beaucoup critiquent, ce que la majorité des gens dans la communauté critiquent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le niveau de compréhension du livre et de la sunna du prophète qu'ont ces gens. Alors ils n'arrivent pas à comprendre les avis de nos grands imams et de nos grands savants. Alors qu'Allah dit « Rasikhuna fil ilm » Il dit « Ceux qui sont ancrés dans le savoir, eux, ils connaissent. » C'est pour ça qu'on a des versets qui sont clairs et des versets qui peuvent porté à confusion, il faut revenir au verset clair pour les comprendre. Omar ibn Khattab dit, il y a des gens qui viendront plus tard, vont débattre avec vous, polémiquer avec vous, en mentionnant des choses qui peuvent porter à confusion. Alors il dit, فَجَادِلُوهُمْ بِالسُّنَنِ Alors rapportez-leur la sunna du prophète, parce que le prophète sallam a commenté et expliqué le Coran. فَجَادِلُوهُمْ بِالسُّنَنِ فَإِنَّ أَصْحَابِ السُّنَنِ A'lam bi kitabillah. Parce que les gens connaisseurs de la tradition prophétique sont plus connaisseurs en réalité du livre du Créateur. Comme nous dit Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Et donc c'est pour cela que c'est un rappel. J'ai voulu vous mentionner ce hadith à titre de rappel. Combien de gens apprennent le Coran, mémorisent le Coran, médite en lisant. Regardez Ibn Abd al-Barr dans le chapitre, il dit Babum fi man ta'awwala al-Qur'an wa tadabbarahu. Il dit chapitre concernant celui qui récite, lit le Coran et le médite. Il le médite. Donc il parle bien d'une personne qui le médite, le Coran. Mais il dit, il est ignorant de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va mal comprendre les versets. Il va mal les interpréter. Et ça, c'est la cause de l'égarement de la nation et de la communauté. Si on commence à parler sur Allah, azza wa jal, sur notre créateur, sans savoir et sans connaissance. Prenez garde de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. De parler, d'attribuer au créateur ce dont vous n'avez aucune connaissance. L'une des premières choses qui font qu'on apprenne, c'est à savoir dire la adri. Comme un grand imam disait, ta'allam la adri, allamouka hatta tadri. Wa in qulta tadri, sa'alouka hatta la tadri. Apprenez à dire je ne sais pas, il te sera enseigné jusqu'à ce que tu saches. Et si tu dis que tu sais, alors tu seras interrogé jusqu'à ce que tu ne saches point. Un jour, le prophète fut interrogé au sujet d'une question. Il a dit la Adri. Quel est l'endroit le plus aimé du Créateur? Le prophète a dit la Adri. C'est le prophète qui a dit je sais pas. Alors le prophète a interrogé Jibril. Lorsque le prophète ne savait pas, il a interrogé l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Imaginez-vous, l'ange Jibril a dit la Adri. Je sais pas. Je vais interroger le Créateur. Jusqu'à ce que Jibril interrogea le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Comment le messager d'Allah dit la Adri? Comment l'ange Gabriel, l'intermédiaire entre le Créateur et les prophètes, il n'a pas été seulement l'intermédiaire entre le prophète Mohammed sallam et Allah azza wa ta'ala, mais il était intermédiaire entre les prophètes et les messagers. Jibril a une immense connaissance d'Allah azza wa ta'ala, de son Créateur. Il est en constante adoration de son Créateur. Mais il a dit la Adri. Fa kayfa ant? La taqul la adri. Kayfa nahnu? Fama balukum fina? Nahnu la naqul la adri. Comment nous on dit pas je sais? Je sais pas. Il faut avouer son ignorance, mais surtout pas tomber dans ce danger de parler sur Allah, d'interpréter les versets du Coran comme bon nous semble selon nos propres opinions. C'est pas comme ça. C'est pour ça que pour terminer, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet du leben. Le leben, les savants expliquent pourquoi le prophète a dit la deuxième chose, le leben, ce qu'on peut traduire de manière littérale, le leben, tout le monde connaît le sens du leben. Pourquoi? C'est toute chose de la dunya en réalité, ça représente toute chose de la dunya qui va nous détourner de nos obligations religieuses. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, alors, allaient vers le badia pour aller chercher ce lait, c'était une richesse pour eux, le leben, c'était une richesse. Et ils allaient chercher ce lait et le badia, et ils délaissaient al-jama'at, la prière en groupe. Et il délaissait la prière du vendredi. Alors les savants t'expliquaient, c'est quelque chose de général. Toute chose qui va nous écarter de nos obligations religieuses, alors ça provoque et occasionne et génère l'égarement de la nation. Wallahu a'lam. Aqulu ma tasma'un. Nas'Allah jalla wa ala ya muqallib al-qulub. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الله أعلم وبارك الله فيكم اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين